fait pour rester, je dois m'en aller. Faudra pas venir me réclamer tous ces petits riens que tu m'as donnés. Car vois-tu le jour où je serai loin, il ne te restera rien. Qu'un jour ou l'autre tu brises le cœur.